Chapitre 7e, Porte Novo, Royaume des Nago. Capitale du royaume des Nago, qui a une certaine étendue et une grande importance, il borde la rive gauche du fleuve Oumé et s'étend le long de la frontière dahoméenne. En cas de révolte des Dahoméens, les Nago nous fourniraient des auxiliaires et nous nous servons de ce peuple, ennemi acharné du Dahomé, pour brider celui-ci. Porte Novo est située à l'embouchure de l'Ouémé, à l'endroit où il se déverse, dans une lagune qui communique avec l'océan. Mais la disposition des lieux est telle qu'à moins de très considérables travaux, Porto Novo ne saurait être un port, de sorte que nous avons fait de Cotonou, avec son wharf, une jetée en fer à Clairbois, le port de la ville. De Cotonou, voyageurs et marchandises sont transportés dans la capitale. 25 000 âmes. Comme nombre, c'est une ville déjà considérable. Et en arrivant en vue des maisons, par la lagune, Mademoiselle de Pellouer, très étonnée, s'écria « Oh, comme c'est joli !» C'est que dans un paysage africain, elle voyait une charmante ville européenne qui se composait des factoreries françaises et étrangères. « Ne vous extasiez pas !» dit Dussonville, en riant de cet enthousiasme. « Ça, c'est la façade. Mais vous trouverez l'intérieur infect. » Et il ne se trompait pas. On descendit à terre. Un négociant noir se présenta. C'était le correspondant de Dussonville, qu'il n'avait jamais vu du reste, mais qu'il attendait. Il le devina à sa haute taille. « Vous êtes, lui demanda-t-il en bon français, le capitaine Dussonville, si je ne me trompe pas ?»« Oui, dit celui-ci. Moi, je suis monsieur Tikilibélé, votre correspondant. » Le capitaine lui tendit la main, et le nègre la serra à la française. Drôle de type, les traitants noirs des grandes villes de commerce. Pour eux, l'habit fait le moine, oh, mais absolument. Ils veulent se hausser à l'égal du blanc. Ils veulent être blancs, ils le deviennent. Eh, mais c'est facile. Ils ne peuvent changer de peau, mais ils changent de pelure. La belle jardinière, le Louvre, le Bon Marché, la Samaritaine vendent leur stock à des maisons qui sont établies au Sénégal et sur toute la côte. Complet à 40 francs et moins. La mode retarde de 2 ans, voilà tout. Et le négociant nègre se transforme en Européen. Et que de chic! Le mouchoir blanc débordant de la pochette gauche, une fleur à la boutonnière, un stick à la main, ah mais! Et l'on sait saluer une dame. Mademoiselle de Pellouer en était stupéfaite. Et quoi? Ces singes noirs pouvaient s'habiller en gentleman? Mais oui, grotesque certainement. Mais nos paysans dimanchés ne le sont-ils pas dans leur redingote? Mais les femmes de ces messieurs, ces bouffons, à l'avant-dernière mode de Paris. Quand monsieur Tikilibélé fut entré dans sa grande case, il présenta ses hôtes à son épouse. Une guenon avec robe parisienne à manches à gigot. Mademoiselle de Pellouer avait une folle envie de rire. Et des manières, et des prétentions. Mais il ne faut pas décourager cette élite des populations nègres. Avec notre costume s'impose notre civilisation et nos produits. Songez-y donc. Si les 60 000 000 de nègres sur lesquels nous régnions s'habillaient à l'européenne, ce serait pour notre industrie et notre commerce. Du reste, avec le temps, une race de franco-nègres se formera inévitablement et ce sera une race superbe et régénérée. Le mulâtre a une tendance à s'affiner toujours. Or, quiconque a connu les Alexandre Dumas et les reclus sait quels hommes prodigieux peuvent jaillir du métissage franco-nègre. Ne rions donc pas de la bouffissure et des ridicules des nègres vêtus à l'européenne. Leurs arrière-petits-fils viendront faire leurs études à Paris et y seront des modèles de chic. Monsieur Tikilibélé avait du reste bien fait les choses. Quand les dames et le capitaine Dussonville se furent reposés et rafraîchis, une esclave vint avertir que Madame Bélé attendait ses hôtes. Elle conduisit ceux-ci dans une pièce qui jouait le rôle de salon dans l'immense case de Tikilibélé. Là, Madame et 2 invités attendaient en causant. Tikili présenta ses amis, Monsieur Goglo, Monsieur Daglis et Guy. Ils sont allés à Paris tous les deux et ils aiment la France. Vous serez content d'eux, capitaine, car ils vous guideront bien et fidèlement vers les campements des Amazones. Je viens de dépêcher un courrier à Takidata, le capitaine, pour la prévenir de votre arrivée à Porto Novo. Dussonville serra la main à ses futurs guides. Ceux-ci avaient bien réellement visité Paris. Le jardin d'acclimatation les avait hébergés et présenté aux Parisiens comme des Dahoméens authentiques. Et ils étaient Nago, c'est-à-dire enminés de Bayanza. Mais à ça près, le demi-tour à gauche, c'est la même chose que le demi-tour à droite, excepté que c'est tout le contraire. On causa pendant quelques minutes, puis un nègre qui faisait fonction de maître d'hôtel vint dire « Madame Bélé, il est servi. » C'était absolument, sauf l'accent, comme chez le gouverneur. Quel chic! Ah, quand le singe qui est au fond du nègre se met à nous imiter, il est parfait! Gravement, Dussonville offrit son bras à Madame Bélé, Tiquille le sien à Mademoiselle Pellouère, et Goglot le sien à Mrs. Morton. Défilé. La table dans la salle à manger était servie à l'européenne et la cuisine était franco-anglaise. Ne pas s'en étonner. Le chef de M. Tiquilly s'était formé sous les ordres d'un cuisinier. À bord d'un paquebot anglais, il s'était perfectionné à bord d'un vapeur français. Très fort. Mais dira-t-on, ce Tiquilly avait maître d'hôtel et cuisinier. Eh oui! Savez-vous ce qu'il gagne, bonhomme allant, ce cuisinier nègre? 100 000 francs, au moins. Il a de très nombreux esclaves et il choisit ses domestiques parmi ceux qui sont intelligents. Des esclaves à Porto Novo? Oui. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas affranchir d'un seul coup les esclaves, mesure qui a toujours produit des résultats déplorables, et pour les maîtres, et pour les esclaves, et pour les colonies, et pour les blancs. L'émancipation doit être progressive, et elle doit s'opérer avec précaution et prudence. Nous supprimons d'abord la traite et ses horreurs. Plus d'esclaves nouveaux. Tout enfant d'esclave est émancipé à l'âge d'homme. Grâce à ces mesures, l'esclavage disparaîtra vite. Les maîtres émancipent d'eux-mêmes leurs esclaves, qui restent volontiers leurs serviteurs à gage. L'on se mit à table, et à part que les nègres guides ne se servirent pas de leurs fourchettes, tout se passa convenablement. Tiquilly, après le potage, mit le capitaine au courant de ce qu'il avait fait et lui dit « Vous savez que Takidata et sa sœur, cabacérès glorieuse et renommée de Béanzin, recevaient de notre roi Tofa une petite pension et les Amazones des petits secours pendant la saison des pluies parce qu'alors elles ne peuvent chasser. Comment se fait-il que Tofa vienne en aide à ses anciennes ennemies ?» demanda Dussonville. « C'est sur les conseils du gouverneur français. » Les Amazones auraient pu tenir la brousse et causer des troubles. Mais en les secourant, on se les attache. Toutefois, je n'ai aucune peine à enrôler les deux sœurs qui, à leur tour, ont levé une compagnie de 80 Amazones. Toutes ont reçu les arts et juré de nous servir après avoir pris connaissance du contrat d'engagement. Comme la saison est favorable, la compagnie est en chasse. Cela a le double avantage de permettre aux Amazones de vivre du gibier qu'elles tuent et dont elles échangent le surplus avec les habitants des villages contre du miel, des fruits, des légumes. De cette façon, elles ménagent les avances que je leur ai faites et elles ne s'ennuient pas de rien faire. Très bien. Mademoiselle de Pellouère s'étonnait de ce que Tiquilly parla si bien français, mais c'était le résultat de l'éducation. Tiquilly était élève des missionnaires de Porto Novo. Tiquilly était catholique et n'avait qu'une femme légitime. En avait-il d'autres? Mystère et discrétion. Le missionnaire forme ainsi beaucoup d'élèves qui savent lire, écrire, compter et qui deviennent d'habiles trafiquants très dévoués à la France. Dussonville demanda « Où trouverai-je mes Amazones ?»« Sur le Ouémé, près de la Grande Brousse, qui s'étend au-delà du village d'Imadan. » « Mon convoi d'âne est-il prêt et mes caisses d'armes sont-elles en état d'être chargées ?»« Oui, capitaine. » « Et mes ânières, elles sont engagées et prêtes. Les vivres, au complet. Alors nous partirons après-demain. Déjà ? Pourquoi perdre du temps ? C'est vrai. Le temps, c'est de l'argent, disent les Anglais. Ah, une question. Sait-on si le grand troupeau d'éléphants reste toujours le maître de la vallée du Piliou ? Toujours. Personne n'ose mettre les pieds dans le pays. Pas même les Amazones qui sont si braves. Mais songez-y donc, capitaine, 300 éléphants au moins, toujours prêts à se soutenir les uns les autres. Et ils se sentent forts. Très bien. À moi, c'est y boire. Vous me l'achèterez, mon cher monsieur Tiquilly. Volontiers. Mais vous ne l'avez pas encore. Je l'aurai. Prenez garde. Les habitants des rives du Piliou, ayant été chassés par l'invasion du grand troupeau, ont voulu reconquérir leurs terres et se sont rassemblés pour combattre les bandes d'éléphants. Dès qu'ils en attaquaient une, les autres accouraient. Ils ont perdu beaucoup de monde. Je ne les commandais pas. Sur ce mot superbe, Dussonville changea la conversation. Est-ce que les Dahoméens sont bien soumis ? Demanda-t-il. Oui. Les Dahoméens sont des fonds et les fonds sont très dévoués à leur roi. Or, on leur en a donné plusieurs et ceux-ci ne sauraient s'entendre pour se révolter. Ils savent, du reste, qu'ils seraient battus et ils ont peur des Français et de notre roi Tofa, qui est parvenu à battre son ennemi, le roi Béanzin. car c'est à cause de Tofa que la guerre a eu lieu. Et pourquoi ? Nous, les Nago, nous ne voulions pas être les esclaves des fonds. Alors Gléglé, père de Béanzin, nous fit la guerre. Ses guerriers passaient l'eau aimée et ils rasillaient nos villages. Ils vendaient les Nago comme esclaves ou les égorgeaient le jour des grandes coutumes où ils faisaient jusqu'à 2000 sacrifices humains. Alors, pour nous défendre, nous avons appelé les Anglais. Ils voulaient bien commercer avec nous, mais pas se battre pour nous. Comme nous ne voulions plus d'eux, ils ont bombardé Porto Novo. Mais nous en étions débarrassés. Alors nous avons appelé les Français. Tofa se fit leur protégé. Comme Gléglé avait cédé aux Français Cotonou et ses environs, ils s'y établirent. Béazin, fils de Gléglé, voulut les chasser. Mais les Français avaient bâti un fort et ils restèrent vainqueurs. Béanzin, pour se venger, fit prisonnier les Français établis à Ouida. Puis il insulta l'ambassadeur. Alors, on fit la grande guerre et les Français prirent tout le Dahomey et son roi et depuis nous sommes tranquilles. Nos deux rois, vous avez donc deux rois ? Demanda mademoiselle de Pellouère. Oui, mademoiselle. Roi de jour, c'est Tofa. Roi de nuit, c'est Thibou. Celui-ci, avec ses gardes, veille pendant toute la nuit. C'est lui qui fait la police du soir au matin. Mais il ne fait que ça. Tofa ne doit pas sortir la nuit. Le jour, il a tout pouvoir et c'est lui qui mène les affaires publiques, qu'il dirige comme le veut le gouverneur français. Voilà une drôle d'organisation. Elle fonctionne bien. Le roi du jour dort et se repose, pendant que le roi de nuit empêche que nous ne soyons volés, tués, pillés pendant notre sommeil. Les Français ont trouvé cela bon, puisqu'ils n'ont rien changé. Du reste, ils sont très sages. Jamais ils ne nous ordonnent ou ne nous défendent rien. Ils disent à Tofa, « Ordonne ceci, défends cela. » Alors Tofa se sent, et nous le sentons encore roi. Ça nous fait plaisir. Dussonville sourit. Tout le secret du succès des potentats s'explique ainsi. Laisser les rois ou princes indigènes sur leur trône, comme pantins dorés et couronnés, et en tirer les ficelles. Les peuples barbares ou sauvages se payent de cette fiction. Le repas s'acheva gaiement, on but du champagne à la destruction du grand troupeau du Pilou. Après quoi, on visita la ville avec les guides. Mademoiselle de Pellouère, qui avait trouvé le quartier européen joli et très confortable d'aspect, fut très désenchantée par sa promenade à l'intérieur. Malpropreté inouïe. Odeur insupportable, chien hargneux, casse-cou continuel. On ne saurait imaginer ce que c'est sans l'avoir vu. Cela tient à la façon dont on bâtit. Les habitations des Nago, comme celles des fonds dahoméens, du reste, sont assez solidement établies, mais elles sont tenues très salement. Tout près de la casa édifiée, on commence par prendre de la terre que l'on délaie. Cette terre est du hard qui se durcit facilement. Deux ronds de planches à un mètre de hauteur figurent les murs et forment des moules où l'on coule la terre de hard délayée. On les sèche, on surrosse les moules et on réserve de la terre de hard en boue. Ainsi jusqu'au fait, on pose la charpente du toit et on couvre en chaume. On entoure ensuite de murs une cour attenant à la maison. Là grouille sur un sol jamais balayé, poules, chiens, animaux domestiques, enfants et femmes, d'une malpropreté dégoûtante qui travaillent ou cuisinent. Pour donner une idée du peu de soucis qu'a ce peuple de l'hygiène, il suffit de dire qu'il enterre ses morts dans la case même. Mais le pire, c'est le trou qui a fourni la terre de hard. Il est là, béant, charnier infect, l'on jette les bêtes crevées, les détritus, les immondices. Là-dedans les vers, les insectes immondes, les serpents vivent dans une infection qu'un Nago seul peut supporter. Mademoiselle de Pellouère, aux premières cases, recula épouvantée, et regagna au plus vite le quartier européen.